Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans Dev & Retry, le podcast sur le développement de jeux vidéo d'un point de vue professionnel, ou presque, puisque je suis avec Marie, étudiante en licence pro jeux vidéo à l'université de Montpellier. Comment vas-tu Marie ? Bonsoir, ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci, avec les beaux gestes que tu me fais. Et je rappelle pardon, que tu es également au travail sur le projet Montpellier Discovery que tu vas présenter à l'ESL, c'est ça, ce week-end ? Oui, on va au salon Occitanie eSport. D'accord. Pour ceux qui veulent nous voir. On aura l'occasion d'en reparler à la fin de l'émission. Oui, puis tu viendras en plus, ça va être génial. Également avec nous, Guillain. Bonsoir. Alors là, ce qu'il faudra savoir pour ce soir, c'est que moi et Marie, on se partage un micro, donc il va peut-être y avoir une latence si on doit parler tous les deux. Comme ça, avec un peu de chance, on vous entendra moins tous les deux. Merci. Non, je rigole. Donc Guillain, tu es titulaire du bachelor Game Artist d'Artefix et tu travailles sur le projet Arachi. Ouais, c'est ça. Et oui. Et également pour compléter notre fine équipe Floris. Bonjour. Oui. Alors attends. Titulaire du bachelor. Non, pas encore titulaire. Pas encore. Tu es en game design, option programmation à l'UFM 3D. Tu as travaillé toute cette année sur Astreos. Oui. Également, ce soir avec nous, Thomas nous rejoint. Thomas Gonzalez, donc tu es game designer et tu travailles sur ton projet Astre. Et ouais, salut. Et ouais, c'est ça. Bon, c'est très bien. Et aussi, nous avons un deuxième invité, Damien Farjou. Tu es titulaire du master en game design de l'université Paul Valéry. Tu es également service civique à l'APF, l'association des paralysés de France, et tu es militant handicapé. Et d'ailleurs, c'est avec toi qu'on avait fait une émission qui n'a pas encore été diffusée, une émission cross, Amalgame Cross Dev & Retry, qui devrait prochainement sortir. Et du coup, on est ravis de te recevoir à nouveau. Sans les chroniqueurs, on précise. Hein. Oui, mais il n'y avait aucun chroniqueur de Dev & Retry et d'Amalgame, ne soyez pas jaloux. Bref, et je disais donc qu'on est ravis de te recevoir à nouveau ce soir, juste dans Dev & Retry, pour continuer à discuter de l'accessibilité dans les jeux vidéo. Mais moi aussi, c'est un plaisir de revenir. Eh bien, c'est très bien. Du non, coup... attends. Oui. Présente-toi. Ah oui, merci Marie, merci. Donc moi c'est Vincent Constantin Turquie, étudiant en game design à l'IFM 3D. Voilà, non c'est tout, on va s'arrêter là. Très bien. Damien, est-ce que tu peux nous présenter ton handicap s'il te plaît? Oui, alors moi je suis atteint d'une maladie génétique rare qui s'appelle l'ataxie de Friedreich. Pour faire simple, une enzyme n'est pas très bien sécrétée par mon corps et mon cervelet dégénère. Le cervelet est le centre du contrôle moteur, donc c'est-à-dire que petit 3-4. Petit à petit, je perds le contrôle de mes gestes, de mon équilibre, donc forcément dans le cadre du jeu vidéo, la précision des doigts et des réflexes. Il faut savoir, j'apporte une petite précision, il ne faut pas mélanger handicap et la maladie qui sont deux choses différentes. Donc on va dire que je souffre d'un handicap moteur particulier. Il faut savoir que là aussi, dans le cas du handicap, il y a des spectres très larges. Il y a des handicaps moteurs qui sont différents pour chaque personne. Les capacités varient énormément. D'accord, merci Damien. Et du coup, est-ce qu'il y a des genres de jeux qui te sont plus difficilement accessibles que d'autres ? Dans mon cas, là où je ressens le plus de problématiques dans l'accessibilité, c'est sur les jeux difficiles qui demandent du réflexe. Donc, From Software, bonsoir. sinon, les platformers aussi qui demandent pas mal de réflexes. Ce qui pour moi est assez frustrant parce que c'est des jeux qui m'attirent. En fait, j'aime beaucoup les platformers et From Software, ben j'ai Bloodborne, mais je suis au début. Voilà, et je vais rester au début jusqu'à la fin de mes jours. Mais c'est pas grave. Et c'est assez frustrant. Donc, les besoins dans le cas du handicap moteur, ça peut. Voilà, si on se base, bah, comme tu disais, sur les Game Accessibility Guidelines, ça peut être tout simplement la possibilité de remaider les touches, de pouvoir les mettre à sa sauce comme on a envie. Et ça peut aller sur quelque chose de beaucoup plus technique en termes de design et de, par exemple, donner du timing aux joueurs de pouvoir se poser, de pouvoir prendre le temps, et notamment sur le platformer où ça demande la... voilà, pendant 10 secondes on va manipuler des boutons pour réussir à passer un obstacle qu'on fait céleste, on en parlera plus tard. Oui, très certainement. Tu dis que tu as des problèmes sur des jeux de type les jeux de réflexe, les jeux d'adresse également, j'imagine. Oui, ouais. Oui, mais quand ça demande trop de précision. La problématique que j'ai vécue il y a quelques temps, c'est sur des party games, genre Tricky Towers. On y a joué à plusieurs, et ben je suis dernier tout le temps. Youpi. En fait, il y a pas d'intérêt pour moi de jouer parce que je sais que je vais perdre en fait avant même de commencer, donc c'est un peu frustrant. Le problème de Tricky Towers en fait, c'est qu'on déplace les pièces dans un espace précis, et sauf que moi à chaque fois si je vais aller sur la gauche d'un coup, je le fais trop tôt ou trop tard, et à chaque fois la pièce tombe. Donc c'est un peu problématique. Sur des jeux aussi comme Samurai Gun, la plupart du temps sur jeux multijoueurs, si j'aurais gagné, c'est un peu sur un malentendu, on va dire, entre guillemets. Après, voilà, il y a des... On peut pallier à ça, je prends par exemple Nidhogg, en fait, où j'ai pu réussir des fois à faire des parties, à réussir à me débrouiller et que ça dure un peu longtemps, quoi. Et que ça fasse durer un peu le jeu, du moins pour moi. Du coup, est-ce que également ça peut... T'es prêt? Peuvent être amplifiés par des contrôleurs qui ne sont pas adaptés. Alors oui, je pense que après tout dépend à quel point on parle de contrôleurs. Moi, dans mon cas, le problème se trouve dans la sensibilité en fait, spécialement dans les déplacements. Rarement on peut paramétrer ça comme on pourrait paramétrer la sensibilité d'une souris par exemple. Après moi j'ai encore cette chance de pouvoir plus ou moins manipuler les contrôleurs traditionnels de jeux vidéo, je pense que il y a des solutions possibles, comme notamment avec la nouvelle manette annoncée par Xbox, de pouvoir plugger par exemple des contacteurs à faire au pied par exemple, pour pouvoir se libérer de la manipulation au niveau des doigts. Pourquoi pas? Ça peut être une solution, même si moi, jusqu'à maintenant, je ressens pas tellement de problèmes, même si... Voilà, on va dire que je peux y arriver jusqu'à un certain niveau, en fait. Mais oui, dans les paramètres à prendre en compte, il y a le design de jeu, il y a les manettes, évidemment, il y a tout ce qui fait l'expérience de jeu, en fait. Et du coup, Vincent, par rapport à ça, c'est parce que là, on est directement parti sur des exemples qui sont quand même assez concrets. Je voulais juste partir sur qu'est-ce que c'était que l'accessibilité, et pour qu'on parte sur la question, est-ce qu'en fait, un jeu, ça doit réellement être fait pour tout le monde? Parce que pour moi, selon moi, l'accessibilité, c'est en fait un jeu, tu le places sur un spectre de personnes à qui il est destiné. Et l'accessibilité, c'est juste en fait d'étendre le spectre de personnes à qui il pourrait intéresser potentiellement des gens au maximum. Que par exemple, un Dark Souls, ça va être fait pour des gens qui vont être qui veulent de l'exigence sur le gameplay, sur pas mal de choses. Et en fait, l'accessibilité, ça sera juste de faire en sorte que le maximum de gens qui soient intéressés par ce type de jeu puisse y jouer simplement. Moi, je partirais sur cette définition sur l'accessibilité pour élargir un peu de base. Je suis d'accord avec toi. Notamment, en fait, quand on parle de joueurs handicapés, ça peut recouper les différents types de joueurs qui existent. Les killers, explorers, socializers, tout ça. Ils peuvent être eux-mêmes handicapés. Ça, les joueurs handicapés peuvent être des hardcore gamers aussi. J'ai l'exemple d'un joueur de PUBG tétraplégique qui fait des headshots avec un contrôleur buccal. Voilà, Essayez chez vous, allez-y. Mais qu'est-ce que je veux dire, je sais plus. Voilà, ça c'est fait. Premier oubli, mais il y aura une très longue série. Ouais, effectivement, je pense qu'on ne peut pas rendre un jeu vidéo accessible à absolument tous les joueurs. On en discutait en off. Si on s'appuie sur des accessibility guidelines, on peut rendre son jeu vidéo accessible au plus grand nombre, un plus grand nombre de personnes que si on ne s'appuyait pas sur ces guidelines-là. Mais c'est pas possible, je pense, de remplir absolument tous les critères pour rendre son jeu vidéo accessible. À un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut tout simplement pas faire. Quel jeu vidéo, par exemple? Tout simplement, les jeux d'adresse, à un moment donné, c'est quand même compliqué. Si tu as des problèmes moteurs, un Super Meat Boy, ça sera quand même compliqué, quoi, parce que tout l'intérêt du jeu, c'est la difficulté et motrice, ouais. Voilà. Mais après, c'est comme t'as plein de jeux. Par exemple, il y en a un qui va sûrement être cité pendant cette émission, c'est Blind Legend, qui est un jeu qui est exclusivement auditif. Du coup, pas besoin d'image, donc quelqu'un qui est complètement aveugle peut y jouer très, très bien. Par contre, en fait, c'est typiquement le genre de jeu qui ne sera pas du tout adapté à quelqu'un qui est sourd. Donc en fait, c'est pour ça que je pars du principe que tous les jeux ne sont pas faits pour tout le monde. Et que, en fait, selon les problèmes qu'on a, selon les envies qu'on a, selon la personnalité qu'on est, en fait, on va être plus ou moins guidé vers certains types de jeux. Et vas-y. Ça me rappelle ce qu'on disait sur l'émission du game design, enfin on parlait de la chaise, souviens-toi de cette chaise, et où on disait que la difficulté dépendait aussi du game designer, de ce qu'il voulait instaurer. Et donc toi t'étais plutôt à dire, Vincent, que ça serait plus intéressant que les game designers mettent en place un système pour que ça soit adapté à tous, et qu'un Dark Souls est un système plutôt casu et un système hardcore et un peu partout pour tous les jeux. Donc en fait, je t'avais dit à l'époque qu'en fait, le game design, un game designer avait le choix de la difficulté et que ça faisait intégralement partie de son game design. Et en fait, avec ce que vous dites, je suis en train de revoir mon jugement parce qu'en fait, je me dis qu'au final, c'est aussi un problème d'accessibilité. Si par exemple, à Super Meat Boy, tu mets un niveau de difficulté plus faible, peut-être qu'il sera plus accessible. Pareil pour les plateformeurs. J'avais écouté la conférence que tu as donnée, Damien, au Mug, où tu parlais des persos qui glissaient sur les plateformes. Par exemple, Mario, typiquement, il glisse pas mal. Et le fait de peut-être enlever ce glissement ou permettre d'avoir un temps plus ralenti avec un défilement... vertical, horizontal, je sais. Bon, un défilement du niveau vers la gauche, mais qui soit plus ralenti ou de ce genre de choses, pourrait être intéressant pour l'accessibilité. Et c'est pas forcément très difficile à mettre en place, notamment pour les programmeurs. Je t'en prie. Oui, bon, je te pique le micro. Ouais, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi en fait le problème, c'est que quand tu fais ça, c'est que ça te change complètement la vision du jeu que tu développes en fait. Un jeu n'est pas nécessairement fait pour être accessible. Ça peut être justement vraiment pour une niche de joueurs très, très spécifique, et on s'en fout complètement de l'accessibilité. Parce qu'il faut voir aussi que le jeu vidéo c'est une industrie et que tous les jeux ne sont pas... qu'il n'y a pas forcément à rendre tous les jeux accessibles. Et que si quelqu'un veut accéder à un jeu alors qu'il n'a pas les moyens, compétences, c'est un peu à lui de trouver les moyens détournés pour rendre ce jeu accessible pour lui. Enfin, je sais pas si je suis très clair ou si je pars sur du politiquement incorrect. T'es limite là. Hein. Non, je pense que t'as raison, mais le souci c'est que c'est pas assez démocratisé. Moi je l'ai vu dans Montpellier Discovery, en fait, du coup on a fait un salon, on a fait une application dédiée au salon, et à un moment s'est posé la question, j'y avais jamais pensé. Il y a mes game designers, ils sont venus, ils ont fait « Mais Marie, tu te rends bien compte que ça va pas là ?» Les gens des enfants ou alors les personnes à mobilité réduite qui sont en fauteuil roulant, ils peuvent pas accéder au truc, ça va pas du tout. Ça m'avait jamais traversé l'esprit. À aucun moment, je me suis dit ouais, c'est cool, tu vois. Juste parce qu'il y avait un élément un peu plus en hauteur. Eh, vas-y, vole-moi le micro. Mais c'est que par rapport à ton jeu, en fait, c'est tu fais un jeu qui est tout public. Et donc tout public, ça implique que ce soit accessible à tout le monde. Tu vois la différence avec ce que je dis ? Je vais taper. Non mais je suis carrément d'accord avec toi. Ce que je veux dire c'est que tu as parfaitement raison, mais je pense que c'est quand même pas assez démocratisé et que du coup les gens n'y pensent pas forcément, alors que certaines personnes pourraient être intéressées pour mettre de l'accessibilité dans les jeux, mais qu'ils y pensent pas parce que c'est pas assez démocratisé. Mais il y a des jeux qui ne sont pas dédiés à ça. Voilà, donc qui n'ont pas lieu, ça n'a pas lieu d'être. Mais en l'occurrence, c'est pas assez démocratisé, je pense quand même. Et ben là, je suis totalement d'accord avec toi. Mais on est d'accord tous les deux, c'est très bien. Merci beaucoup. Bisous, on se revoit. Moi, pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Tous les jeux ne peuvent pas être accessibles. C'est une utopie, c'est comme le jeu parfait, ça n'existe pas. D'ailleurs, si on se base, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs familles de handicap avec des besoins différents. Comment dire ? Tu vas mettre 25 ans à faire un jeu, je pense, si tu essayes de prendre en compte tout. Et voilà, tu peux pas faire ça. Il y a aussi d'autres besoins. Ça reste un marché, donc il faut sortir ton jeu au plus vite. Et oui, ce que tu dis, ça peut brouiller la vision du jeu. Ce que vous disiez lors d'une émission que j'ai écoutée, que d'ailleurs j'ai bien aimé la réaction. Alors au début, je voulais te contredire, mais en fait, je vais passer pour un salaud. Si vas-y. Mais c'est en fait, c'est par là que commence à introduire une vidéo de Mark Brown. Donc déjà, je conseille les vidéos de Mark Brown à tous les designers possibles. Ce mec est super, puis ça, en plus ça fera bosser votre anglais, accessoirement. Ça acquiesce de la tête autour de la table. Oui, en effet. Et en fait, il dit, il y a deux choses en lesquelles je crois dans le jeu vidéo, c'est un, impose ta vision, deux, faut que tous les joueurs puissent y jouer. Donc ça peut être contradictoire quand on pense à Dark Souls, en effet, qui est un jeu très difficile. Et qui d'ailleurs, il a fait aussi une émission sur ça. Est-ce que Dark Souls devrait avoir un mode facile ? Ben non, en fait, parce que ça serait plus Dark Souls sinon, si on fait un mode facile. Et je suis assez d'accord avec ça. Mais en même temps, il y a, en fait, en termes de design, Dark Souls, enfin, surtout pour avoir pu jouer à Bloodborne, en fait, il y a beaucoup de choses au niveau philosophie du jeu qui te ramènent au handicap et c'est super dur à gérer émotionnellement parlant pour un joueur, en fait. Quand ton jeu te dit t'es trop handicapé pour y jouer, bah, t'as un peu envie de lui péter la gueule, en fait. Donc, on va dire que là, on atteint sur des problèmes plus profonds, je dirais, entre guillemets, et plus complexes à gérer. Avant ça, il faut en effet prendre en compte les joueurs handicapés. C'est-à-dire, tu disais qu'en effet, c'est un marché de niche et que les joueurs handicapés sont pas forcément dedans. Ils n'ont jamais annoncé ça. Ils n'ont jamais dit, en fait. De quoi ? J'ai pas compris. Tu disais que Dark Souls, c'était pour des joueurs. C'était une cible, une niche. C'est pas pour tous les joueurs. Mais on ne parle pas des joueurs handicapés en disant ce n'est pas forcément pour vous qu'ils n'en parlent pas, en fait. Parce que soit ils n'y pensent pas, comme a pu le dire Marie, ce qui est souvent le cas malheureusement, comme sur quelques petits détails qui pourraient faciliter à venir, on n'y pense pas. Et surtout, ça pourrait être éthiquement pas correct de dire c'est pas pour les joueurs handicapés, en fait, aussi. Mais je pense. Mais après, je te rassure, hein, Dark Souls, c'est. Enfin, c'est pas pour. Il y a des gens qui sont pas concernés par Dark Souls qui sont parfaitement. Sans handicap, quoi. Oui. Donc, et c'est pas pour eux non plus. Donc, c'est pour ça que je voulais pas. Ce que je veux dire, en fait, c'est que moi, je crois. Après, c'est de manière générale un spec pour le jeu vidéo. En termes marketing, il faut que les personnes handicapées soit pris en compte dans le design et peut-être dans la communication aussi. C'est-à-dire de autant dire quand c'est pour tel public handicapé ou dire ce n'est pas pour un tel public handicapé. Parce que ce genre d'information n'existe pas à l'heure d'aujourd'hui. Une personne handicapée ne sait pas quel jeu sera adapté à lui. Et merci Game Lover de faire ces tests parce que c'est un début. C'est vrai que ça serait un très bon point pour l'industrie d'avoir des recommandations pour tel type de handicap, si c'est adapté ou pas, quoi. C'est clair que ça serait un bon point. Ouais, comme on a les PEGI du coup pour l'âge conseillé, on pourrait avoir effectivement ce genre de sigle aussi pour savoir si le jeu convient à des personnes en telle ou telle situation de handicap. J'ai envie de rebondir sur plein de choses qui a été dit précédemment. Oui, Floris. Moi, je voulais rebondir sur... on parlait des manettes. Des manettes plus accessibles ou moins accessibles ou plus agréables à manipuler. Je me demandais... Comment si, pour la plupart des handicapés, est-ce que ça, ce serait pas plus agréable d'avoir des sticks arcade ou une manette de ce style, parce que c'est des manettes qui sont customisables et qui sont utilisables sur la plupart des plateformes? Alors, sans spoiler la table ronde à nouveau, je te renvoie à Andy Gamer qui fait des manettes personnalisées et qui en effet s'inspire beaucoup des sticks arcade en fait. Connecte des manettes de Xbox ou de PS4 à des bornes plus grosses et donc des boutons plus gros, plus espacés, et donc pour des gens qui par exemple n'ont plus l'appréhension des doigts mais qui peuvent juste taper du poing, c'est parfait. Mais il y a plus que ça, il y a même des gens qui contrôlent avec les pieds, un stick arcade pour les pieds. Il y a aussi les personnes hémiplégiques où là il faut décaler tous les boutons sur un seul côté de la manette. Et ça aussi c'est très intéressant. Ça reste personnalisé pour chaque handicap, donc c'est pour ça que c'est compliqué d'agir par rapport au contrôleur quoi. Oui, c'est une question qu'on avait posée. Industriellement, c'est compliqué. Tu peux pas produire des manettes en série. Mais la solution d'Xbox, c'est une première solution de mettre tous ces plugs ouverts, en fait, et de pouvoir mettre des contacteurs avec une prise de jack qui remplace certains boutons. Et on peut voir plein de dispositifs différents. Et je pense qu'en termes de design, on peut imaginer des choses aussi. Ouais, c'est sûr que c'est super, en plus l'initiative d'Xbox de pouvoir plugger. Et vas-y Thomas, je sais que tu voulais parler. Et ouais, même en fait aussi ce que je trouve intéressant avec la proposition de Microsoft aussi, c'est que normalement pour le côté développeur en fait, ça va être appelé côté programmation de la même manière que sur la manette classique de Xbox, ce qui fait qu'en fait pour le développeur il n'y aura pas de base d'effort particulier à faire, il fait ses contrôles et après la manette s'adapte, mais elle est adaptée de la même manière. Donc ça c'est un bon point déjà. Ce qui permettrait, sans avoir besoin de réfléchir énormément à tous les contrôleurs alternatifs, sans prendre ce temps-là, ce qui peut être aussi d'ailleurs compliqué quand on est dans une petite équipe, on est en indépendant, on a à peine le temps de faire le jeu correctement. Ouais. Donc c'est compliqué de penser à tous les contrôles. Et là, le fait que ce soit automatisé, en tout cas c'est ce qu'ils promettent, ça permet du coup de rendre son jeu accessible sans plus d'efforts. Et aussi ce que je voulais aussi pour sortir un peu du côté la difficulté, parce qu'il n'y a pas que ça en fait dans le côté accessibilité, il y a aussi tout ce qui est visibilité en fait, que ce soit au niveau des couleurs, que ce soit au niveau des tailles de texte, des tailles des UI, enfin tous ces trucs là et ce que je trouve surtout intéressant avec cet aspect là en fait, c'est qu'en allant chercher l'accessibilité là dessus en fait, ça peut bénéficier à tout le monde en fait. Typiquement, faire des efforts sur les couleurs choisies ou sur la taille des UI, ou que ce soit la taille des sous-titres ou la taille des icônes ou la gueule des icônes, notamment apparemment les icônes plus visuelles, ça aide, mais ça aide pas que ceux qui ont des problèmes cognitifs, ça aide tout le monde au final. Et donc ça que je trouve intéressant sur le côté accessibilité, c'est tous les aspects en fait qui peuvent être travaillés, qui peuvent en fait qui peuvent bénéficier à tous les joueurs au final, même sur un jeu très hardcore ou autre. Ouais, tout à fait. Alors, du coup, je sais plus comment je vais rebondir sur quoi, parce qu'il y avait vraiment plein de choses à dire. Tout à fait. Par exemple, il y a des moyens de rendre des jeux plus accessibles que l'on peut appliquer vraiment dans tous les jeux. Je vais vous donner un exemple basique, c'est permettre le remapping des touches. Certains jeux le proposent, d'autres ne le proposent pas. On ne sait pas vraiment pourquoi tout le monde ne le propose pas finalement. Et c'est quelque chose qui peut vraiment rendre un jeu accessible à un joueur qui ne peut pas y jouer en l'état. Alors après, je veux bien que... Du coup, c'est toujours ce problème-là. On se dit, ouais, notre jeu, on le design de telle façon. Et du coup, le joueur, il doit y jouer de telle façon. Parce que c'est cette expérience-là que je veux que le joueur vive. Ouais, mais c'est pas vraiment non plus comme ça que ça fonctionne, donc ça doit fonctionner. À un moment donné, ton joueur, s'il peut pas jouer à ton jeu, vaut mieux qu'il ait une expérience un petit peu différente de celle que t'as prévue pour lui initialement, que pas d'expérience du tout. Et donc, permettre un remapping des touches, comme dans Overwatch, où on peut absolument tout remapper, des fois, ça permet à des joueurs de pouvoir jouer. Voilà. Et juste par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que tout à l'heure, quand je pense à ce qu'on a dit... ça donnait l'impression qu'il fallait pas s'occuper de l'accessibilité du tout, mais en fait, il y a certains trucs quand même qu'il faut faire de toute façon. Par exemple, je pense notamment à tous ceux qui vont être daltoniens, tous ceux qui vont avoir des problèmes de vision, tous ceux qui vont avoir des problèmes d'audition. Enfin, il faut, enfin, c'est des trucs, en fait, c'est débile de pas les mettre dans le jeu, vu que c'est des gens qui n'auraient pas de problème pour jouer au jeu. Il y a juste un peu quelques efforts à faire pour que ça soit accessible pour eux. C'est un peu l'idée à laquelle je pensais quand je parlais de spectre d'accessibilité. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il me semble que justement les jeux, ben, t'as mentionné Overwatch, mais la plupart des jeux qui se tournent vers l'e-sport ou les grosses communautés comme World of Warcraft, ils ont beaucoup d'options de customisation justement pour ce genre de, pour les daltoniens, etc. Ouais, effectivement, pour le remapping des touches également, Street Fighter permet beaucoup de remapper ses touches, Counter-Strike également. Les jeux de combat, il me semble que c'est plus par rapport au SIC Arcade qu'ils ont mis ça en place. Justement parce que la plupart des gens voulaient garder les manettes bandes d'arcade et du coup ça s'est retransmis aux jeux de console. Du coup ça revient à justement les gens ils pensent pas trop aux joueurs handicapés, mais c'est vrai que ça les aide quand même dans cette situation. Et pour le daltonisme, tu l'évoquais Guillain, il y a quelque chose qui est fait qui est une semi-solution, donc il y a un moyen de faire mieux. Alors j'ai pas d'exemple de jeu qui le fait, mais je sais que ça se fait. C'est de passer un filtre pour daltonien sur le jeu, et là en fait ça corrige à moitié le problème, c'est à dire qu'effectivement du coup les informations qui ont besoin d'être bien vues par le joueur, et du coup maintenant il les voit parce qu'il y a un filtre qui est fait pour ça, mais le filtre étant appliqué sur tout le jeu, ça dénature des couleurs qui ne devraient pas, dont on n'a pas besoin de modifier les couleurs à la base, et donc on se retrouve avec un jeu un peu dégueulasse mais qui est maintenant jouable. C'est quand même mieux de juste se contenter de modifier les couleurs qui ont besoin d'être modifiées. Et comme bon exemple là-dessus, on a Faster Than Light qui propose de changer les couleurs, tout simplement, qui propose aux joueurs de changer les couleurs. Il y a Destiny qui propose dans une... c'est un peu moins bien, mais c'est bien aussi. C'est des préconfigurations, en fait, selon différents types de problèmes de vision. Il n'y a que ces presets là dans le jeu. Si votre problème n'est pas corrigé par l'une de ces préconfigurations, c'est dommage pour vous, mais au moins pour la plupart des gens c'est au moins là. Il y a des jeux comme Two Dots aussi. Two Dots, c'est un jeu, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu sur smartphone et tablette où en fait vous avez des points de différentes couleurs et vous devez les aligner en faisant des lignes avec votre doigt dessus. Et donc là il y a des symboles qui s'affichent sur les ronds. Ça permet, du coup, si vous ne voyez pas les couleurs, au moins vous reconnaissez les ronds qui vont ensemble, qui sont de la même famille, grâce aux symboles qu'il y a dessus. C'est clair que c'est une technique aussi d'associer une couleur à une forme. Donc ça aide d'autant, pour tout le monde, quoi. Si tu repères plus facilement la différence entre un triangle et un carré qu'entre du rouge et du vert, rapidement, quoi. Ouais, sauf du coup, ça marche bien dans Two Dots parce que c'est un jeu qui ne demande pas... où tu n'es pas pressé par le temps, mais si tu fais ça dans un FPS par exemple, le temps que tu remarques le symbole du mec, tu te fais dézinguer, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on parlait de est-ce qu'un mode facile dans Dark Souls, ça ferait que ce serait toujours un Dark Souls ou non? Bon, je sais pas, j'ai pas joué à la Dark Souls en l'occurrence. Mais du coup, je me demande, Blind Legend, si tu mets un mode pour personnes sourdes, du coup, donc tu rajoutes du visuel dans le Blind Legend, est-ce que ça change le concept du tout? C'est ça. Du tout, tu fais un autre jeu, en fait. C'est ça. Donc du coup, l'idée de rendre son jeu vidéo accessible, c'est pas de faire un autre jeu et de partir sur une autre vision de game design et dénaturer complètement l'expérience que l'on veut proposer initialement, mais il y a des guidelines accessibility qu'on peut... des game accessibility guidelines, bon merde, que l'on peut appliquer quoi qu'il en soit, et ça c'est dommage de ne pas le faire. Donc on l'évoquait, le remapping, ça on peut le faire dans tous les jeux, le mode pour daltonisme on peut le faire aussi, les sous-titres aussi, il y a des gens qui n'ont pas forcément 20 sur 20 à la vue, et du coup proposer une taille de sous-titres acceptable. Il y a Amazon, je crois qu'il y a pour Amazon TV qui a donné des guidelines pour l'UI sur une télé en 1080p, et genre pour que ce soit pour juger si votre taille de police est suffisante pour le plus grand nombre de personnes, il faut que vous vous mettiez à 10 pieds de votre télé, ce qui représente 3 mètres il me semble à peu près, Voilà. Si vous galérez en dessous de ça à lire vos sous-titres, c'est qu'ils sont trop petits. Également, on peut travailler du coup sur parce que les problèmes qui sont le plus souvent soulevés avec les sous-titres, c'est la taille de la police, c'est le contraste. Quand vous avez des textes blancs sur un fond blanc, vous le voyez plus, hein, c'est con. Donc là, la solution, ça serait de mettre un fond, un arrière-plan noir, opaque, semi-opaque, de rajouter du contour à votre texte. Souvent, le contour est quand même mis sur le texte, faut pas abuser, mais ça m'est déjà arrivé moi de pas pouvoir lire des sous-titres parce qu'ils étaient placés dans un truc où la couleur d'arrière-plan était la même que celle des sous-titres. Et également la quantité de texte, tout le monde n'est pas tout le monde ne lit pas à la même vitesse. Et là, en fait, ce qui est conseillé du coup, d'après les recherches que j'ai faites, c'est d'avoir une taille de police de 46 pixels pour du 1080p et du coup d'avoir pas plus de 40 caractères par ligne et pas plus de 2 lignes par sous-titre. Voilà. Et ça, c'est le genre de truc qu'on peut faire dans absolument tous les jeux. Et donc, ça, c'est un moyen de rendre son jeu vidéo accessible. Et tu ne dénatures absolument pas l'expérience de jeu. Donc voilà, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas, on ne fait pas vraiment d'efforts sur les game accessibility guidelines la plupart du temps parce qu'on n'y pense pas, comme tu l'évoquais, Marie. Pour Montpellier Discovery, tu t'es rendu compte que ton jeu n'était pas accessible pour certaines personnes quand tu t'es retrouvé confronté à un cas réel. Et pourtant c'est le travail d'un designer d'anticiper ce genre de choses, parce que le travail d'un designer, c'est de faire preuve d'empathie, de se mettre à la place de son utilisateur final. Et dans le jeu vidéo, on a généralement pas trop de mal à faire preuve d'empathie, puisque contrairement à quelqu'un, un architecte qui design des HLM dans lesquels il va pas habiter, en général, en tant que game designer, on design des jeux auxquels on risque potentiellement de jouer. Alors pas forcément, hein. C'est sûr que les mecs qui ont bossé sur Alexandra Lederman, ça m'étonnerait qu'ils aient joué en rentrant chez eux. Mais je sais pas, si vous travaillez sur Assassin's Creed, vous êtes tenté d'y jouer, j'imagine. Bon, je sais pas, écoutez, hein. Mais voilà, on aime ce que l'on fait, on aime le jeu vidéo, donc forcément on est concerné. Par contre, on occulte du coup des personnes qui sont en situation de handicap, et que si on n'en connaît pas nous-mêmes, on n'est pas forcément conscient des problèmes qu'ils rencontrent, et on oublie de faire ce travail d'empathie envers tous les types de publics. Et on l'évoquait du coup, quand tu employais justement le terme, l'expression « tout public guillain » tout à l'heure, en disant que un jeu vidéo ne doit pas être pour tout public, forcément pour tout. Non, tu disais, voilà, Marie, que Montpellier Discovery. Si tu veux, je lui dis, je redis ce que je disais. Merci. C'est que, en fait, elle, comme elle faisait un jeu vidéo qui était tout public, parce qu'elle a fait avec Montpellier Discovery une application qui est en soi pour toute la famille, donc ça peut être pour n'importe qui, elle est obligée de penser à l'accessibilité pour un jeu de ce type-là. C'est ça que je lui disais en fait tout à l'heure. Ouais. Non. Bah là, tu reviens sur un truc, il y a plein de jeux tout public qui sont quand même pas accessibles aux handicapés. Bah, ils font mal leur boulot, j'y peux rien. Très bien, merci. Non mais c'est ça, on a souvent tendance à faire une distinction quand on pense tout public, on pense tout âge. Et alors que des personnes de même âge peuvent ne pas être le même public non plus. Ouais, c'est ça en fait. Ouais. Nous, c'est adapté à tout âge, mais à la base, on a... C'est vrai qu'effectivement, ça serait mieux si c'était adapté à tout public, mais tout public à tout. J'arrive même pas à parler. à toutes les personnes, mobilité réduite ou pas. Mais ça veut pas dire ça. En fait, nous, on est juste adapté à tout âge. C'est complètement différent. Même si on veut l'intégrer quand même. Est-ce que sur le développement de Arachi et de Astre, vous avez pensé à inclure des. Ouais, d'accord. Non, mais c'est intéressant. Hein. Quel chip Je sais pas, est-ce que vous avez pensé à l'accessibilité dans votre jeu pour des situations de handicap ou... Moi, je sais que dans Arachi, c'est plus le côté visuel qui a été travaillé. C'est que en fait, tu t'attaches plus à des formes qu'à des couleurs. Il y a un jeu de couleurs avec les éléments pour repérer rapidement les éléments qui te servent à toi, qui sont dangereux ou qui sont bloqués. Mais en fait, c'est surtout rattaché à une forme pour que ce soit... en fait, on a travaillé tout ce qui était compréhension du jeu par le visuel. Après, je t'avoue que par rapport à ce que disait Damien, surtout de l'aspect contrôle, l'aspect, on va dire, capacité motrice pour tout ce qui est technique avec la manette, ça, c'est encore des trucs qu'il faut travailler. Mais il y a plein de jeux dont on va sûrement s'inspirer pour le développement, dont Céleste, qui a un mode assisté qui permet de faire pas mal de choses, de régler pas mal de détails pour rendre le jeu finissable pour toute personne. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on va en reparler pendant l'émission. Il y a aussi certains, disons, technique design que j'ai, qui a déjà été vu, qui rendent les jeux, je pense, plus accessibles pour beaucoup de personnes, ou plus de personnes qui le pensent au premier abord. Il me semble que TF2 ont un système où toutes les silhouettes de chaque type de personnage est complètement différente l'un de l'autre. Et du coup, ça doit aider, je pense, pour certains types de handicap aussi visuels. Si, alors, je vais jouer à TF2, mais c'est intelligent parce que c'est intégré au design, justement, et c'est ça le but. Oui. Que, en tout cas, moi, que j'espère que ça soit intégré au design et pas pensé à côté en plus. Comme pour parler de Céleste, bon, on en parlera après. À mon tour d'avoir plein de trucs où j'ai envie de rebondir, mais je te laisse parler. Ouais, bah typiquement, là, le truc des silhouettes, c'est ce que je disais, c'est un truc, de toute façon, ça profite à tout le monde, typiquement. Ouais. Et Overwatch, je l'utilise, du coup, sans Overwatch, TF2, hein, bon, voilà. Donc c'est typiquement des trucs qui servent à tout le monde, et donc si on veut revenir sur Astre, je pense que j'aurais pu faire plus. Déjà, ce que, en fait, moi, là où j'avais plus réfléchi en termes d'accessibilité, c'était plus pour accessibilité... plus rendre le jeu, on va dire, facile, et même pour des, par exemple, des jeunes joueurs. Et par exemple, un truc que j'ai pas intégré, parce que je prog comme un balai, comme un très mauvais prog, mais ce que j'aurais vraiment aimé, en fait, c'est avoir la caméra, en fait, qui suit le personnage et qui, du coup, n'oblige pas, en fait, le joueur à utiliser deux sticks en même temps. Donc ça, c'est pas le cas. On peut la recentrer, mais c'est pas le cas. Et après, de la même manière, pour rendre le jeu aussi un peu plus facile, et ça a été le cas même sur des joueurs assez jeunes, du coup on n'a pas de visée, la visée est automatisée, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à charger un tir ou un don, bon voilà, vous connaissez pas forcément le jeu, mais à partir du moment où on se prépare à lancer une compétence, en fait, on va y avoir un lock automatisé en fait sur l'ennemi le plus proche. Donc ça permet d'avoir quand même un jeu qui est plus accessible, juste, mais vraiment, comme je disais encore une fois, c'est moi je regarde l'accessibilité vraiment de manière très globale, et donc vraiment des trucs qui peuvent profiter à tout le monde, parce qu'au final même un hardcore gamer va pas se plaindre du fait qu'il y ait un lock qui se lance, même si parfois j'ai eu des plaintes, mais c'est mon c'est aussi ça reste un choix, mais voilà, c'est l'idée de rendre accessible et de manière large, et là c'est même ça, c'est-à-dire même justement les joueurs plus jeunes, et je l'ai vu justement contrôler, faire plus que deux trucs à la fois. Déjà de base, quand ils ont pas quand ils quand des jeunes joueurs ont pas encore joué à des jeux en full 3D, déjà de contrôler un personnage avec l'analogue plutôt que des flèches, c'est déjà une étape. Donc après avoir à contrôler le déplacement sur un analogue et la caméra sur l'autre, ça fait beaucoup d'efforts. Hein. Ouais, c'est clair, et ça me fait penser que tout à l'heure il faudrait qu'on parle du prisme de l'apprentissage pour l'accessibilité, mais je crois que Floris, tu voulais dire un truc. Oui, non, c'est juste quand on parlait d'Overwatch, je me disais aussi ce qu'Overwatch fait qui est intéressant, qui est juste un terme général de design aussi, c'est que les personnages ils ont des points forts, et enfin des choses qu'ils font très facilement et des choses qui sont beaucoup plus complexes, mais que c'est différent pour chaque personnage. Dans le cas pour par exemple Winston, tu n'as pas du tout besoin de viser. Parce que tout ce qui est devant lui va être touché dans une certaine zone quand il appuie. Et du coup, ça, c'est bon pour les joueurs comme moi qui ne savent pas viser du tout. Parce qu'on est nuls. mais ce qui est important pour lui, c'est qu'il doit savoir se positionner correctement. Et ça, c'est plus réflexion de où te mettre sur la carte. Donc, c'est un différent. C'est quelque chose de. Tu utilises autre chose dans les mécaniques générales du jeu pour bien jouer, comparé à un personnage plus standard comme Soldat 76, qui est juste le personnage avec la mitraillette de base, où le but c'est de mieux viser, qui pourrait être plus fort avec le personnage. D'accord. Je suis d'accord avec toi par rapport au prisme de l'apprentissage, ça change pas mal de choses en fait, et c'est un peu pour ça que moi je réfléchis un peu la notion de joueur handicapé, est-ce que c'est pas un groupe de joueurs à part, parce que c'est vrai qu'au niveau, enfin, quand tu repenses le flow de Genoa Shand ou ça, dans certaines vidéos de Mark Baron, je crois que je vais être payé pour ça, ça va être bon, moi, Mark Baron, il parle du rythme, du pacing aussi, ça aussi est très important dans le cadre du handicap, et maintenant je vais essayer de réagir à tout ce que je veux réagir depuis le début. Tout à l'heure, tu parlais de choses, faut y penser, c'est tout bête. Mais justement, quand c'est tout bête, c'est là où c'est difficile d'y penser. Souvent, le handicap, en effet, qui est pensé avant tout, c'est le handicap visuel. Parce que c'est là l'une des bases du jeu vidéo, il y a vidéo dedans. Donc tu penses au visuel, les sous-titres encore, quand tu vois GTA, les dialogues sont en VO, mais les sous-titres sont minuscules, vont vite. Donc c'est problématique. Ensuite, on a parlé du daltonisme, en effet, ça devient de plus en plus fréquent, mais comme tu disais, ça vient mettre des problèmes sur la DA du jeu, et c'est un peu dommage de là aussi pas l'intégrer à la DA du jeu, de cette problématique des couleurs. Et c'est là que j'ai oublié tout le reste où je voulais réagir, donc voilà. Alors attends, peut-être ça va te revenir pendant que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Que de rebond. Splatoon, par exemple, je crois que vous pouvez bloquer les couleurs d'équipe sur orange et bleu foncé, c'est ça, Floris? Pour y avoir joué, je m'en rappelle plus. Mais il me semble que c'est ça, et en fait, ça, c'est les daltoniens, généralement, ils ont du mal à percevoir certaines couleurs, notamment le rouge et le vert, je crois. Ça dépend, il y a plusieurs types de daltonisme. C'est ça. Mais c'est ça. Le truc, en fait, avec ça, en fait, surtout, ce que j'ai compris, c'est le plus gros combat, en fait, c'est le contraste. Il faut qu'il y ait assez de contraste entre les éléments différents, en fait. Et c'est pour ça que là, le rouge et le vert, typiquement, il n'y a pas assez de contraste différent. Et c'est ce qui a amené, par exemple, un truc qui est utilisé dans beaucoup de jeux maintenant. À la place d'avoir l'équipe verte contre l'équipe rouge, on a l'équipe rouge contre l'équipe bleue. Voilà. Donc ça profite à tout le monde, ça gêne personne. Exactement. Et c'est maintenant admis dans pas mal de jeux, du coup. Donc là, je pense à Halo, je pense du coup à Splatoon aussi, où les équipes sont clairement différenciables visuellement. Il y a en effet un système de color lock, et ça marche, c'est pas toujours bleu-orange, c'est la dernière partie que tu joues, si tu as trouvé que les couleurs étaient plus faciles à voir, tu peux lock et ça va toujours rejouer les mêmes couleurs que la dernière partie que tu as faite. D'accord. Là, c'est pas grand chose à faire, merde. Également, tu parlais des sous-titres dans GTA, Damien. Dans Red Dead Redemption, il y avait quelque chose que je n'ai pas retrouvé dans GTA V du même studio. De mémoire, ça n'y était pas. Dans Red Dead Redemption, quand vous deviez vous rendre d'un point A à un point B et qu'évidemment là, les personnages en profitent pour discuter ensemble, vous aviez ce mode spectateur dans lequel le trajet se faisait automatiquement. C'était l'IA qui contrôlait le trajet et vous pouviez du coup profiter des sous-titres et les lire comme il fallait. Je crois qu'ils n'ont pas répété ça dans GTA V. C'était un peu dommage. Je ne crois pas non plus. S'ils ont dû faire quelque chose, c'est comme dans GTA 4 où tu pouvais passer ces moments en voiture, ce qui est un peu ballot parce que tu loupes toute la narration, mais ça, c'est fou. Ouais. Voilà. Mais oui, en effet, tu as la vision spectateur dans The Redemption. Après, même ça, je suis pas sûr que ça règle le problème des sautés minuscules et trop. Non. Mais c'est une première chose, on est d'accord. Bah, c'est dans Dark Souls 1 Remaster qui est sorti le 25 mai. Du coup, je suis vachement au courant. Hein. où ils ont mis en place un système où tu peux changer la taille de lui aussi. Et j'avais fait un jeu qui m'avait. J'ai pas joué à ce jeu, enfin, j'ai pratiquement pas joué à cause de ça. C'était Xenoblade Chronicles. Sur Wii U, où lui est dégueulasse. Elle est tellement petite que ce même, je vois très bien, je voyais que dalle. Floris, à qui genre, t'as subi ou j'ai joué au Xenoblade, oui. Voilà. Le menu est pas top. Mais là, je comprends même pas pourquoi ils font pas ça. Enfin, ça a rien de sorcier de changer lui. C'est le truc le moins. Un métier. Hein. Ouais. Non, mais c'est un métier, mais c'est pas le truc le plus compliqué, surtout quand tu fais des triple A. En général, les jeux, les RPG japonais, sauf Persona. Les menus, je les trouve très moches en général. Ouais, ils sont connus souvent, ils ont du mal avec l'UX UI et le jeu en réseau, mais ça c'est un autre problème. Mais ouais, globalement, à part Persona, et puis même là, si maintenant là, les jeux Nintendo récents ont quand même des interfaces qui sont plutôt propres, bien foutues, mais Mais sinon, c'est vrai que globalement, on se touche sur du bon RPG classique. L'interface, elle fait mal, mais à tout le monde, du coup. Et après, tout à l'heure. Je voulais juste, pardon, rebondir sur lui. Ah, mais justement, je voulais juste parler d'un truc sur lequel tu as dit tout à l'heure. C'est parce que tu avais parlé d'une taille de police en pixels. Ouais. Mais en fait, je pense que pour un jeu, c'est plus des ratios qu'il faut appliquer. Pour, comme ça, ça se scale par rapport à la taille de l'écran. Parce qu'en 46, sur un écran 4K ultra grand, bah, ça fait tout petit. Ouais, effectivement, mais puis j'aurais pensé à ça, mais c'était marqué dans les guidelines d'Amazon en pixels. Alors je me suis dit, bon, peut-être ils sont plus au courant que moi, je sais pas. Oui, tu voulais réagir, Thomas, ou non? D'accord. Oui, lui, moi j'ai pensé du coup à Kingdom Hearts. En parlant de vie pourrie, on parlait de Kingdom Hearts. Non, pas du tout. Non, le tableau de commande dans Kingdom Hearts, donc le tableau de commande, basiquement, vous voyez un RPG tour par tour, et ben c'est, vous retrouvez ce tableau-là dans les Kingdom Hearts, sauf que c'est du temps réel, c'est très ingénieux. Du coup, ça permet, ce tableau de commande, figurez-vous, qui permet de rendre les jeux vidéo Kingdom Hearts assez accessibles. D'ailleurs, figurez-vous que le youtubeur Just One Hand, qui n'a qu'un seul bras, le principe de sa chaîne YouTube, c'est qu'on le voit jouer à des jeux vidéo et que bien souvent il est meilleur que les personnes avec lesquelles il joue. Eh bien, il est fan de Kingdom Hearts, donc ça ne doit pas être pour rien, si vous voulez mon avis. Après, c'est un tour par tour, c'est plus accessible. Non, c'est du temps réel. C'est du temps réel, mais il faut rappeler que Kingdom Hearts, tu peux gagner la plupart des combats en appuyant sur croix de manière plus ou moins frénétique. Et il va y avoir ça rend le jeu assez accessible à beaucoup de gens. Alors, oui, après, ça n'empêche pas d'adorer ce jeu. Faut réussir à appuyer frénétiquement. Problème des QTE, tout ça. Mais Just One Hand, si tu nous écoutes, bah, tu es invité à Devin Retry, je crois. Oui, c'est oui. Voilà, parce que tu aimes Kingdom Hearts, donc big up. Ouais, non, Thomas, je ne rebondirai pas sur ce que tu viens de dire sur Kingdom Hearts parce que ce n'est pas l'objectif. Non, tout simplement, oui, bon, allez, petit aparté Kingdom Hearts, on va faire votre culture, mes amis. Le principe de Kingdom Hearts, c'est que vous êtes surpuissant dans le jeu, donc c'est pas de galérer sur des petits mobs pourris. Si vous voulez vraiment avoir de la complexité dans un combat dans Kingdom Hearts, vous avez les combats de boss et principalement de boss secrets qui sont là pour ça et qui sont vraiment parmi les plus durs que j'ai fait dans les jeux vidéo. J'ai joué à Fury et figure-toi que je n'ai pas eu tant de mal que ça. C'est sadique, les boss de Kingdom Hearts, ils sont sadiques pour pas grand-chose des fois. Les boss dans Kingdom Hearts. Bon, allez, non, mais vous savez quoi, on va reparler cette parenthèse. Bref, lui dans Kingdom Hearts, par contre, vous avez le tableau de commande du coup dans Kingdom Hearts qui s'adapte à partir de Kingdom Hearts 2, pour l'instant seulement dans Kingdom Hearts 2 et dans Kingdom Hearts 3 prochainement, au monde que vous visitez. C'est-à-dire que votre tableau de commande va avoir un design aux couleurs du monde que vous visitez, mais vous avez toujours cette option d'avoir un tableau de commande qui est bleu et rouge basique, au cas où vous seriez dérangé par cela. Ce qui, je pense, n'arrête pas grand monde, parce que c'est suffisamment clair comme ça, de base. Mais bon, bref, voilà. Et vous savez quoi, on va passer à une petite pause musicale avant de continuer sur, je pense, la difficulté. Le temps qui se tape tous les deux. Ça, c'est ça. Non, je pense qu'on va parler de Céleste. Ouais, c'est un gros morceau. Je pense aussi. Du coup, on va s'écouter First Steps de Lena Rain, de la bande originale de Céleste. Et vous êtes... Et ça marche, oui. Et vous êtes, c'est moi qui n'avais pas activé mon micro. Et vous êtes de retour dans Dev & Retry. Et nous venons d'écouter First Tapes de, j'arrive pas à le dire, de Lena Ren, de la bande originale de Céleste. Céleste, du coup, qui est un jeu dont nous allons parler un petit peu, puisqu'il a un mode assist assez particulier. Alors, qui a joué à Céleste parmi nous? Ouais. À peine, j'ai pas eu le temps de vraiment le penser. Donc, Thomas, Guillain, moi, un petit peu, et Damien. Ouais. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce mode assist, s'il vous plaît? Bah déjà, je peux te dire à peu près ce qu'il y a dedans. Ouais. Donc, en fait, tu as plusieurs réglages qui permettent... Alors, attends, non, encore mieux. Est-ce que d'abord, tu peux nous pitcher le jeu, s'il te plaît? Pitcher Céleste, bah, du coup, tu contrôles. C'est un jeu de jam qui était fait sur un moteur qui s'appelle Pico 8. Mm-hmm. Du coup, qui est. Où il y avait plein de fonctionnalités, où tu jouais un petit personnage qui faisait des séries de mini-niveaux qui tenaient sur un écran, où il fallait récupérer une fraise et sortir du niveau. T'as un dash, tu peux t'accrocher sur les murs, donc ça c'était le jeu de base. Donc, et après ils en ont fait un jeu plus abouti, où en fait tu Céleste, donc où tu escalades un mont Céleste. Après j'ai pas joué à tout le jeu, donc je pourrais pas trop expliquer l'histoire. Mais de toute façon l'histoire c'est quelque chose de secondaire dans le truc. Si on... Non, alors Thomas, justement pour un... Contrairement oui, en plus aux platformers hardcore, platformer hardcore, en fait l'histoire est vraiment travaillée et elle est très importante et ouais, mais tu peux elle skipper, est ultra fait. Cohérente et hyper importante. En fait, elle va suivre en fait la progression que tu vas avoir au niveau gameplay va suivre la progression de l'histoire en fait. D'accord, même parce donc que elle moi, est aussi, que vu, elle est en fait aussi travaillée, aussi importante que le reste. Donc oui, mais si tu veux pas suivre l'histoire, moi j'ai compris qu'en fait tu pouvais complètement ne pas parler au personnage qui t'explique l'histoire. Je t'avoue que je lui ai parlé, j'ai skippé pas mal de dialogues quand même, mais l'histoire est très importante. Ouais. Ouais, c'est tout ce que je peux, okay. Que je peux dire. Il y a une narration assez spéciale dans Céleste que c'est dommage de passer à côté en effet. Mm. Ok, bah bon, bref. Donc tout ça pour dire. Tout ça pour dire que Céleste, c'est un jeu de plateforme, on va dire classique, où on peut sauter, s'accrocher sur les murs, on a la possibilité de faire un dash. Et on peut escalader, et voilà, je pense ça pitch le jeu à peu près correctement. Et donc c'est un jeu qui est quand même très difficile dans sa globalité. Et donc il a un mode assisté qui permet plusieurs choses. Donc un réglage qui permet de gérer la vitesse globale du titre, donc en pourcentage de vitesse par rapport à sa valeur classique. Donc on peut régler le jeu à 70% de sa vitesse d'origine pour que le jeu se passe un peu plus au ralenti pour mieux gérer ses sauts et tout ça. On peut mettre de l'inverse. Ouais, on peut aller jusqu'à 50% en fait. Ouais. 10% par 10%, on jauge de 100 à 50. C'est ça. Et après, donc, y a possibilité de se rajouter une invincibilité, un dash supplémentaire, de sauter certains niveaux. Il doit y avoir 2-3 trucs que j'ai oublié. Et un dash illimité en fait. Dash pareil, t'as deux trucs, ça soit le deuxième dash, soit l'illimité. Et effectivement, je crois qu'après, t'avais fait le tour, non? Et t'as l'endurance illimitée. Parce qu'il faut savoir que quand tu grimpes, en fait, tu es limité dans le temps. Au bout d'un moment, ton personnage fatigue. Et il tombe. Sauf que là, avec l'endurance illimitée, ben, tu t'en fiches. Exactement. Et c'est bien, ça fait une variable à ne pas penser. Donc, c'est pas mal. Et est-ce que, selon... les paramètres que vous définissez dans votre expérience de jeu, bah, l'expérience du coup est plus ou moins amusante ou est-ce qu'il y a toujours un niveau de fun qui est assez similaire? Moi dans mon cas oui, parce qu'en fait pour l'instant je fais que le premier chapitre et moi j'ai utilisé les options d'accessibilité uniquement dans les cas les plus durs où je n'arrivais pas du tout. Après 50 tries j'étais au même point, donc bon, tu changes un petit truc, tu réessayes, tu rechanges un petit truc, tu réessayes jusqu'à y arriver, et quand t'as réussi ce passage là tu remets les options par défaut et tu continues. Donc tu peux varier en fait comme ça le jeu, et je trouve ça intéressant parce que ça le dénature pas et c'est à toi de jauger quelle difficulté tu mets. Parce que dans le jeu de base c'est eux qui ont décidé leur jauge, on va dire leur flow à eux, et toi t'es juste au-dessous. qui, c'est frustrant en fait de sentir que t'es juste au-dessous, que t'as pas besoin de grand chose pour y arriver et en fait tu peux pas, mais là tu peux parce que tu peux varier de manière très nuancée. Le gameplay, donc c'est quand même pas mal. Ouais, c'est vrai que ça s'adapte vraiment à toi en fait, le réglage de difficulté que tu fais quoi. Basiquement, c'est quelque chose qui t'aurait été utile pour Superhot. Oui. Et ce qui est assez ironique en sachant que Superhot justement joue sur la vitesse. Ouais. Donc c'est vrai que de pas y avoir pensé dans le design, c'est là pour le coup, on pourrait se dire mais comment n'y ont-ils pas pensé? Mais en fait, tout le monde n'y pense pas. Ouais, parce que pour le coup, dans Superhot, effectivement, c'est quelque chose, je pense, qui aurait pu être complètement implémenté sans que... Enfin, ça aurait été implémenté de façon cohérente, sans trop de mal. Ça aurait même pu offrir aux joueurs, une fois qu'ils ont terminé le jeu, ça leur permet de... Allez, on va faire avec un ralenti un peu moindre pour avoir du challenge supplémentaire et voir si ça marche ou pas. Ça aurait pu prolonger la durée de vie du jeu. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Notamment. Ouais, la difficulté dans les jeux, c'est quelque chose, pareil, on en discutait en off. Les noms que l'on donne au niveau de difficulté dans les jeux, pas forcément ce qu'on fait de mieux encore aujourd'hui. C'est vrai que le jeu, généralement, vous propose de jouer en normal, c'est présélectionné pour vous. Mais après, on vous propose, sinon, généralement, de jouer en facile ou en difficile. Et puis, vous avez un mode supérieur à difficile qui est généralement à débloquer une fois que vous avez terminé le jeu une première fois. Mais comme tout le monde, en début, vous commencez en normal parce que je vais pas faire le truc en facile, quoi. Et c'est, j'imagine, assez humiliant. Le terme est peut-être un peu fort, mais ouais, ça doit taper un petit peu à l'orgueil de passer le jeu en mode facile à un moment donné. Et c'est pour ça que maintenant, ils ont renommé le mode facile le mode histoire ou cinématique. Parce que en fait, c'est juste pour les mecs qui ont juste envie de faire l'histoire sans se prendre la tête sur la difficulté. Exactement. Ouais, mais en fait, tu peux avoir envie de te prendre la tête sur la difficulté, mais en sachant que tu vas réussir à la passer, cette difficulté. Et malheureusement, c'est rarement le cas. Moi, j'aime beaucoup l'histoire, je m'intéresse à l'histoire, la narration, etc. Mais je veux un petit peu de challenge quand même. Et à côté de ça, il y a des jeux qui sont totalement ridicules à ce niveau-là. Je pense notamment au Guitar Hero, quand ils ont instauré les difficultés novices, où tu fais que des notes à vide et que tu peux jamais perdre. Youpi, super intéressant. Ou là par contre, là où c'est plus taunting, on en avait parlé, Vincent, dans Wolfenstein, où le mode facile, c'est le mode bébé. Pour bébé, il me semble. Non, en fait. Voilà. voilà. Simplement, un peu de respect, s'il vous plaît. Oui. Et après, dans l'opposé, t'as les modes où tu veux sectionner facile et le jeu il te dit lol, tu prends hardcore. je sais plus quel exemple j'avais en tête, mais je sais qu'il y a des jeux qui font ça où en mode le mode facile, ils te disent non, tu prends pas celui-là. C'est quoi ces jeux? T'as tiqué par rapport à quoi Oui, moi je pensais justement aussi, un des problèmes majeurs des barres de difficulté, c'est que quand on te dit facile, normal, difficile, tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire dans le contexte du jeu. Sachant que tu es au premier menu du jeu, tu sais pas ce que ça veut dire difficile, peut-être sauf si t'as regardé les trailers, que t'as une idée du type de jeu que c'est. Mais par exemple, quand tu joues à difficile, moi j'avais mis God of War en difficile quand j'ai joué pour la première fois, et en général les modes difficiles m'intéressent quand ça veut dire qu'il y a des mécaniques un peu différentes ou autres, genre que les ennemis se comportent de manière plus intelligente. Sauf que ce que ça veut dire dans God of War, c'est qu'ils ont plus de vie et tu prends plus de dégâts. Et ça m'intéresse pas, parce que j'ai pas envie de taper sur un monstre pendant 20 minutes, juste pour prouver que je peux jouer en difficile. Donc j'ai tout de suite baissé à normal, parce que ça m'intéressait pas de jouer à cette difficulté-là. Mais... Et c'est là que c'est intéressant, parce qu'en fait, la difficulté, c'est l'une des premières options d'accessibilité, mais qu'on n'a jamais nommée comme telle. Mais qui existe depuis la nuit des temps, et le mode assist de Céleste, il y a, dans les années 90, on appelait ça les cheat codes, donc il y a des liens qui sont intéressants aussi à voir. Tu disais un truc tout à l'heure sur le fait qu'il y avait des modes de difficulté qui étaient trop faciles et que c'était des fois peut-être du foutage de gueule. Je pense aussi aux handicapés mentaux, qui peut-être que c'est intéressant pour eux juste de faire un jeu et de se défouler sur un truc avec une difficulté qui est peut-être ridicule pour nous, mais peut-être que ça, c'est intéressant pour eux. Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je dis mon avis parce que je suis aussi passionné de jeux vidéo et que je veux en designer, et que ça va, etc. Mais en effet, le joueur lambda, totalement lambda, peut simplement se servir de défouloir. On est totalement d'accord. J'ai pu voir une vidéo très touchante de l'association Special Effects, qui est une association anglaise qui bosse l'accessibilité dans les jeux, et qui ont montré des personnes qui jouent à des jeux vidéo avec des différentes manettes, et en fait juste de les voir jouer, c'était un plaisir, c'était bon. Après, la musique de fond aidait aussi à faire pleurer dans les chaumières, mais c'était plaisant, ça faisait plaisir. Je vais rebondir sur quelque chose et ça vient de m'échapper. Tout à l'heure j'ai dit, quand Guillain a parlé du mode histoire pour les gens qui ne veulent pas s'embêter avec la difficulté, j'ai répondu exactement. Mais en fait, pareil, je trouve finalement que ça porte pas un bon nom, parce que oui, vous pouvez être simplement concerné par l'histoire, et à ce moment-là, le mode histoire porte très bien son nom. le mode histoire. Vous devez le prendre parce que vous n'êtes pas suffisamment bon pour X raisons, mais pour autant ce n'est pas que l'histoire qui vous intéresse, vous voulez juste avoir un niveau de difficulté adapté à vos capacités, et donc là c'est à nouveau un petit peu humiliant, comme le mode pour bébé de Wolfenstein. C'est... On peut aussi rajouter plus que les trois de base, facile, difficile, normal. Ouais. Là quand on parlait que Marie disait qu'il y a des gens qui aiment le mode très facile ou défouloir, tu pourrais avoir en dessous du mode facile que la plupart des jeux ont un mode défouloir en plus. Un mode miso, tu veux dire. Et oui, voilà. Et du coup, si tu pourrais même en rajouter genre deux ou trois, peut-être, dépendant, juste spécifier un peu plus la difficulté. Mais là encore, il faut savoir quelle difficulté est plus appropriée à toi, et ça aussi, c'est difficile en général. Et puis faire des modes uniquement histoire pour s'intéresser à l'histoire, regarder des films en fait, jouer pas des jeux vidéo, parce qu'il me semble que la difficulté fait partie quand même des notions de design de base dans un jeu vidéo, enfin en tout cas à mon sens. Donc oui, Marie, vas-y. je saurais même pas le dire, le nom du jeu, mais j'avais vu un jeu qui jaugeait la difficulté du joueur en tout début avec un test. Il y avait un timer, on devait résoudre, c'était des énigmes en l'occurrence, en un certain nombre de temps, et ensuite la difficulté était adaptée en disant je vous conseille ça, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà, comme ça permet de bien choisir sa difficulté. Sinon on peut parler de Resident Evil 4. Exactement. Oui. Dans quoi? Resident Evil 4, en fait, c'est une difficulté adaptative. C'est-à-dire, plus tu réussis, plus le jeu est dur, plus t'es nul et plus le jeu est facile. C'est beau. Ils avaient aussi fait exprès de pas en parler jusqu'à longtemps après sa sortie, justement pour pas que les gens soient au courant de l'idée. Cryo cheat, simplement. Oui, parce que par exemple, s'ils avaient fait un test et à la fin on te dit toi t'es en facile. Tu peux être vexé parce que t'as trouvé que quand même t'avais géré ton truc. Tu trouves des noms incroyables. Et donc c'est vrai que l'option extrême qu'ils ont pris au final qui marche bien, c'est juste de pas le dire et d'en parler des années après pour dire en fait, mais ce qui derrière est... votre dos, on jaugeait le nombre d'ennemis, leur stat, le drop des munitions. Mais après ça te fait rager, t'as ton pote qui fait mais c'est trop facile, et toi t'es là non. Genre ça s'est mal adapté à un moment. Oui. Mais le principe, c'est quand même que ce soit calibré à ton propre niveau, donc quelque part, en théorie, ça ne devrait pas arriver, si c'est bien fait. En fait, c'est invisible, parce que ce qui est de base, t'as déjà des niveaux de difficulté. Dans Resident Evil 4, le niveau facile, normal, professionnel. Mode professionnel, bonjour. C'est pour ça, enfin, moi je pense que le mode de Céleste, du coup, il va un peu révolutionner la façon dont on va gérer la difficulté dans les jeux, parce que au lieu d'avoir des modes qui sont tranchés comme ça, qu'on va plus avoir une difficulté qui va être à régler sur des paramètres soi-même, ou que ce soit fait un peu comme dans Resident Evil 4 de façon un peu automatisée, et qu'on puisse locker soi-même la difficulté en fonction de certains paramètres. Que s'il y a juste un paramètre qui nous dérange, qu'on puisse régler ce paramètre-là et pas toute la difficulté du jeu. Et je pense que c'est ça que sur quoi va s'orienter l'industrie dans les années à venir. Enfin, c'est ma supposition. Et là où c'est... Ouais. Ok. Je suis d'accord d'un côté, et de l'autre, je suis pas forcément d'accord. justement dans l'émission de Mark Brown encore, qui parle du monde acide de Céleste. Il cite deux designers, dont le premier c'est Tom Francis de qui a fait Heat Signature. Il dit: je ne veux pas que les joueurs qu'on sente qu'on leur demande comment le jeu doit fonctionner. En effet, c'est le rôle du game designer de faire ça. Sauf qu'ironiquement, dans Céleste, c'est exactement ce que tu fais. Tu demandes aux joueurs de faire la propre expérience. Donc, ce qui est bien, mais voilà, on peut trouver un redit. Et aussi, il a cité le designer de Céleste, Matt Thorson, et en fait il dit quelque chose dont on a pu discuter aussi dans la table ronde, c'est le côté du game designer qui veut faire son jeu à lui, ce côté très précieux, c'est mon expérience, tout ça, il faut pas y toucher. Et bon, au bout d'un moment, il a quand même dit bon, on va faire un mode accessible, mais le fait qu'il y ait pensé après, justement, ça change des choses déjà. Ouais, c'était ça en fait, ce que le designer disait, c'est qu'en soi pour lui, les options d'accessibilité, elles cassent son jeu. Mais ça lui va. C'est juste qu'il a pris sur lui, il a dit ok, le jeu il est préparé comme ça. Si vous activez un peu tous les potards, vous me cassez tout mon truc, mais... Quel héros. Mais pourquoi pas. Allez-y, faites-le si c'est ce que vous voulez. Et pareil, ce qu'on disait sur la manière de présenter le truc aussi, là où Céleste est bon, c'est qu'il présente aussi très bien ce côté-là. Il prend le temps d'expliquer aux joueurs, lui dire que c'est pas un problème, qu'ils ont fait l'expérience comme ça, mais que si tu veux jouer avec ces options d'assistance, c'est vraiment pas un souci. Et donc c'est toute cette bienveillance-là qu'ils ont d'ailleurs eu assez tard, parce que tu parlais du fait que c'était des cheat codes, apparemment aussi jusqu'à très tard en développement, ce mode assistance s'appelait le mode cheat, même sur Céleste, donc ça a quand même été... même eux, ils ont réfléchi ça assez tard. Mais ouais, c'est là où c'est intéressant, c'est à la fois le côté personnalisation de l'expérience et la manière dont c'est présenté aussi. Et on avait oublié aussi un aspect sur Céleste, tu peux aussi passer des mondes entiers, s'ils te gênent. Ouais, j'avais parlé de le fait de passer les niveaux, mais tu peux passer le monde entier. Tu peux, depuis le menu principal, tu vois tous les niveaux, et tu vois le niveau d'après, si tu veux y aller, tu peux le débloquer. Et encore une fois, on va pas te dire que t'as fait n'importe quoi, que t'es un noob, que je sais pas quoi. Donc là-dessus, sur ces deux aspects-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre de Céleste. Mmh. Ouais, moi je suis assez admiratif de ce mode assist qui est contenu dans Céleste. C'est vrai que c'est dommage de pas. Enfin, à un moment donné, pour certains joueurs, c'est soit la difficulté s'adapte à eux, soit ils peuvent plus y jouer. Donc après, c'est à toi en tant que designer de savoir si tu veux avoir une expérience unique, il y a qu'une poignée de personnes qui peuvent l'apprécier, ou si tu veux, à un moment donné, qu'il y ait plus de gens qui puissent apprécier ton travail. Moi, je pense pas que ce soit dérangeant, comme tu l'évoquais, Damien. Tu peux à un moment donné juste modifier les paramètres pour te permettre de franchir l'obstacle qui te gêne, et puis après tu repasses sur des paramètres soit standards, soit ceux qui te convenaient à la base. Ça peut servir juste à ça. À un moment donné, le joueur il va pas le challenge, ça fait partie intégrante d'un game design en général. C'est quand on joue à un jeu vidéo, on fait que résoudre des problèmes. C'est ça le principe. Donc si dans notre jeu vidéo, il n'y a aucun problème à résoudre, à un moment donné, on s'ennuie un petit peu. Le joueur, il va s'en rendre compte, donc il n'est pas masochiste, il va se créer son challenge lui-même. Et si tu lui files les manettes pour le faire, les leviers pour le faire, et il va s'en servir. Après, il y a des... Moi, je suis aussi attaché à cette vision du game designer qui pense à son expérience, et il y a sa vision d'auteur, on va dire, à l'intérieur, et du coup, son expérience, l'expérience du joueur, elle doit être celle que le game designer a prévue pour lui. Dans Fury, par exemple, il y a plusieurs modes de difficulté, il me semble, mais je pense qu'en facile, c'est toujours un peu difficile, non ? Alors, clairement, tu passes pas le premier niveau. Ouais. Dans Fury, en fait, le mode facile, déjà, ils ont hésité à le mettre. Oui, ils l'ont. À la base, ça avait été fait pour un membre de l'équipe, pour Audrey Le Prince, la cofondatrice. Ouais. Et ils ont hésité à le mettre. Et au final, le mode facile, c'est vrai que c'est juste, c'est les mêmes. En fait, c'est la même difficulté que le mode normal, mais il y a moins de phases, en fait, beaucoup moins de phases. Oui. Et ça, c'est une option qui a été prise aussi dans Cuphead. Ouais. mais c'est une option que je trouve qui peut être dommage aussi, parce que du coup le joueur perd, notamment dans Cuphead je pense, où justement si le joueur va prendre la difficulté un peu plus facile, il n'a pas forcément envie de rater des animations spectaculaires hein, qu'il va croiser. Oui, tu fais louper des phases et exactement. En plus de ça tu peux pas finir le jeu. En plus de ça, Cuphead il va jusqu'au bout là-dedans. Les derniers boss, t'es obligé de les apprendre normal minimum. Exact. En fait, c'est deux derniers boss qui sont forcément les plus durs. Lol. Et Fury, oui, j'ai joué au mode promenade parce que j'ai voulu y jouer en mode normal. Mes premiers boss, non. J'ai joué en mode promenade et je suis allé jusqu'au 8ème boss, mais c'était pas intéressant du tout. Donc ça montre bien que même pour moi qui, oui j'ai pu passer des boss, mais y en voir, parce que bon niveau graphique c'est des boîtes quand même, et puis la musique aussi avec ça en main, mais c'est vrai qu'en termes de jeu, bof quoi, je me limite à la BO et au roadbook maintenant. C'est très bien. Ouais. Bah, Emmerich, toi, le directeur créatif de Fury, revendique hein, le fait que son jeu n'est pas fait pour tout le monde, il l'assume, c'est son parti pris, et moi, dans l'idée, j'aime bien. Oui. J'aime bien les partis pris de design, mais en l'occurrence, pour le coup, je vois pas en quoi ça aurait été particulièrement dérangeant d'offrir les leviers qu'offre Céleste à Fury, comme ça peut être le cas dans tous les jeux finalement. C'est un problème d'ego, non ? Je pense que ça va faire réfléchir pas mal de designers, développeurs, ce qu'a fait Céleste. J'espère. Oui. Typiquement, parce qu'en plus, ils sont en plus de base sur le côté platformer très hardcore. Et donc, typiquement, le genre de jeu où on défendrait ce genre de truc, à dire on va mettre aucun truc pour faciliter quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas là pour ça. Et eux, ils ont montré qu'on pouvait faire autrement. Et comme ils ont dit, ça leur a pris 3 jours à implémenter. Oui, donc, pas sûr qu'on retrouve exactement ça dans tous les jeux, mais je pense que ça va faire réfléchir. Bah, typiquement, tu vois, pour moi qui fais un platformer, ça m'a fait repenser le design. C'est clair que t'as une vision différente après Céleste, quoi. Oui, parce qu'en plus, c'est que c'est pas vraiment compliqué à implémenter, quoi. C'est, tu offres aux joueurs de modifier les variables qui sont contenues dans le code, quoi, en fait. C'est ça. Et souvent, c'est plus. Enfin, à part vraiment rare exception où vraiment on a une équipe qui a déjà du mal à faire fonctionner son jeu. C'est vrai que c'est surtout une question de choix en fait, au final. Ouais. Je voulais rebondir aussi vite fait sur. On revient sur le mode histoire. Damien, tu disais tout à l'heure que. Oui, mais aussi de toute façon, quel intérêt si tu veux faire un jeu vidéo juste pour le scénario, à un moment donné, regarde un film. Ou jeu de David Cage. Ouais, voilà. Oui, mais voilà. Non, mais c'est ça. Par exemple, Mass Effect 3 avait un mode histoire. Et pour le coup, Mass Effect, on y joue limite plus pour, je pense, l'arborescence de choix que le jeu t'offre que pour les gunfights, même si j'aime beaucoup les gunfights et que moi je joue presque autant pour l'un que pour l'autre. Mais pour le coup, je conçois qu'on puisse faire un jeu de David Cage. Bon, est-ce qu'il n'y a même pas de niveau de difficulté dans un jeu de David Cage, si ? Si. Non, d'accord. Bon. Deux qui durent plus longtemps. Non, t'as des QTE plus faciles ou pas dans Heavy Rain. J'imagine que s'ils sont vite plus longs, t'as une plus grande fenêtre pour mettre le bouton. Ouais, c'est ça, mais même t'en as pratiquement pas. J'avais testé le mode facile, mode normal. Je crois qu'il y a deux modes dans Heavy Rain et à la place de faire X rond carré, tu fais juste X. Ah. Et la méthode qu'ils ont pris dans Beyond, ils sont allés encore plus loin. C'est-à-dire que de toute façon, si tu rates un QTE, ça change rien. Ouais. Ah ouais, mais ouais. Ça c'est dégueulasse, c'est de la merde. Ça casse le design, on est d'accord. Mais c'est intéressant, ça pose le problème du QTE qui est aussi un énorme problème d'accessibilité. Notamment Heavy Rain, moi à l'époque j'ai eu de la chance. Je l'ai fait avec encore des capacités, on va dire bonnes, entre guillemets. Et donc j'ai pu faire tuer personne, tout va bien. Sauf que j'y rejoue aujourd'hui, c'est quasiment sûr, tout le monde meurt. Mais pas par ma faute, parce que je suis handicapé. Et donc c'est un peu frustrant de voir que ton handicap te revient à la tronche alors que tu joues un jeu vidéo, il est pas là pour ça. Et je disais donc aussi en off que mes premiers déboires en termes d'accessibilité, c'était le QTE sur God of War. Jeu que j'ai apprécié durant mon adolescence, mais en grandissant, j'appréciais de moins en moins à cause des QTE. Et on prend l'exemple d'Uncharted qui a simplement réglé le problème. Les options d'accessibilité disent bah, les QTE, au lieu d'appuyer frénétiquement, bah, tu laisses appuyer tout bêtement, et ça marche très bien. Oui. J'ai pu apprécier Uncharted 4 comme tout le monde. Puis là, du coup, c'est, ça fait partie de ces exemples où on s'appuie du coup sur le cas de personnes en situation de handicap pour corriger une expérience qui n'est pas appropriée à tous les joueurs. Et en fait, ça la rend meilleure pour tout le monde. Hein, parce que moi aussi, j'ai fait God of War les premiers. les QTE dans ce jeu-là, ils sont absolument horribles. Et vous avez, à l'inverse, vous avez par exemple dans Kingdom Hearts, à partir de Kingdom Hearts 2. Et oui, c'est le festival, cette mission. La seule action contextuelle que vous avez, c'est d'appuyer sur triangle. C'est toujours la même touche et on vous demande jamais d'appuyer dessus à l'infini. Il n'y a pas de timing aussi. Il y a du timing. Non, il y en a non, pas. Non, pour les actions contextuelles, oui, tu as raison, j'ai confondu. Mais pour les QTE, oui, tu as du timing, non. Forcément. Mais bien sûr que si tu bourrines dans les scènes où il y a les QTE, ça passe. Oui, non, oui, tu peux, oui, à un tu moment peux juste appuyer à fond sur le bouton et ça passera automatiquement. Oui, ce que tu veux dire, Floris, c'est que, admettons, là, au moment où vous appuyez sur triangle, le jeu ne vous demande pas de le faire. Si vous continuez d'appuyer sur triangle, à un moment donné, forcément, ça va tomber au moment où le jeu vous le demande. Du coup, ça va marcher. Ça oui, va vous n'êtes pas pénalisé. Si. Oui, ça pénalise pas si tu appuies sur le bouton tout le temps. Ouais. Après, voilà, tu peux pas appuyer. Mais tout le temps, oui, mais il faut appuyer quand le triangle apparaît à l'écran. Oui, bien sûr. Voilà, bref. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu du coup avec un test justement, je sais plus si c'était le test français ou si c'était Dagger System qui faisait le test d'accessibilité. Mmh. Je crois que c'est Dagger System, donc la personne en fait, enfin en tout cas la personne qui a fondé le site, qui a aidé justement Naughty Dog à travailler sur l'accessibilité. Et qui note aussi les jeux selon leur accessibilité, et qui en fait. Je savais pas et je sais pas depuis quand ça y est en fait, mais dans le dernier Walking Dead de Telltale, il y a toujours les traditionnels QTE parce qu'ils savent pas faire autrement. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tu peux en fait appuyer sur la touche que tu veux, voire même juste bouger l'analogue. Par exemple, on va t'afficher appuyer sur carré, tu vas bouger l'analogue, ça va valider le QTE. Et donc ça, c'est du coup un entre-deux que j'ai trouvé intéressant et que je ne savais pas qu'ils avaient adopté. Je sais pas. Attends, tu peux développer non plus. C'est-à-dire qu'on va t'afficher les QTE avec des touches forcées, ils vont te changer les touches, tout ça. Ouais. Donc le QTE très classique, hein, vraiment. Ouais. La seule chose, c'est que tu vas pouvoir le valider sans appuyer sur la touche qu'on te demande. Ah, et comme il disait, même pas forcément appuyer sur une touche, même juste prendre un input, même juste bouger l'analogue, ça validera. Même si on te demande d'appuyer sur un bouton, tu bouges juste l'analogue ou tu fais ce que tu veux, juste tu fais une action sur la manette pour dire que t'es là, ça valide. Ouais. Bon, alors pour le coup, en ce qui concerne Telltale, je pense que c'est plus dû à un manque de ils savent pas faire du game design vraiment ces gens-là. Ils sont habitués aux faux choix. Ils sont habitués aux faux choix. Ça c'est un autre débat. Attends, mais par contre là-dessus, c'est une vraie option et un vrai choix qu'ils ont fait, je pense que c'est quand même une bonne entre-deux, c'est pas juste un manque de compétences. Ouais, loin de là. Comment ça, ils savent pas faire du non, non, mais moi j'aime bien les jeux Telltale, hein, mais j'allais dire, c'est tout le temps, on t'offre choix A, choix B, mais les deux t'amènent au choix C, et là c'est encore des faux QTE où vous les réussissez ouais, pas. Mais... C'est ça, ouais, ouais. Et c'est pas toujours. Non, et aussi ce genre de contraintes-là, c'est pas juste un problème de on sait pas faire du game design. C'est des vraies contraintes de production, c'est-à-dire que si tous les choix qu'on donne ont des vraies conséquences, il mettrait 3 ans à sortir un épisode. Ah non, mais on est tout à fait d'accord. Et donc il y a un moment aussi, il faut savoir ça, c'est que même si c'est dommage, l'illusion de choix, à part avec une prod vraiment qui peut suivre, comme parfois Quantic Dream le pense, c'est comme ça que leurs jeux prennent autant de temps, soit avec des jeux plus textuels et qui demandent moins, on est obligé... Et c'est normal d'avoir cette illusion d'influence. Moi, j'ai juste envie qu'il fasse Tales from Borderlands 2. Pourquoi ? Pareil. Pourquoi pas celui-là ? Oui, Marie. Juste pour revenir à un truc. Oui. Déjà, tu dis ça, mais les choix, même s'ils ils impactent pas le truc final, la fin, quoi, ça reste que ça provoque chez le joueur des émotions. Quand t'as ton perso préféré qui crève et puis dévoré par un mec à cause de toi ou quoi que ce soit, ça te donne des sensations qui sont... Non mais je suis d'accord. Et au passage, c'est pas parce que là je critique sur, pour le coup tel que tout est acheté dans leur jeu. Moi je les aime beaucoup. Il y a des vrais moments dans leur jeu qui sont intéressants même en game design. Je vais pas développer ici. Mais par contre voilà, là où je vais dire que c'est des faux choix etc. C'est que parfois c'est même tu peux t'en rendre compte que c'est un faux choix quand tu recharges ta partie et que tu testes le choix B alors que t'as fait le choix dans ta première partie et là du coup tu vois qu'en fait c'était pas des vrais choix. Mais des fois tu n'as même pas besoin de faire ça, tu t'en rends compte en faisant un choix que l'autre t'aurait amené à la même chose parce que la conséquence est bizarre. J'ai un exemple très précis de Batman, le Telltale de Batman, la première saison où t'es à une conférence de presse et t'as un choix de dire un truc que tout le monde va entendre ou de dire un truc, la vérité qui devrait choquer tout le monde et en fait comme sur une escalade de tu dois répondre en fait, tu dois dire plusieurs fois les choses que personne ne veut entendre pour que ça valide le fait que tu as choqué tout le monde. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dit pendant plusieurs fois ce que les gens s'attendaient à ce que je dise et dans le milieu de tout ça j'ai sorti un truc j'ai sorti la vérité mais un truc choquant de ouf que je vais pas vous spoiler ici mais vraiment c'est un truc de dingue et personne n'a réagi quoi. Voilà, c'est là que je vois très clairement les limites de leur game design. Il y a aussi la mécanique de ce personnage se rappellera de ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de moments où quand ça apparaît ça veut pas vraiment dire qu'il s'en rappellera vraiment. C'est juste là pour donner une impression que mais ça pour le coup c'est très intelligent, c'est très intelligent de leur part. Machin s'en souviendra hein, parce que tu sais même si en fait il s'en souvient pas, toi tu t'en souviens qu'il devrait s'en souvenir. je pense qu'on a à peu près fait le tour du sujet. Hein. Bon, même si on pourrait continuer d'en parler pendant des heures, mais pour cette émission, je pense que ça sera bon. Je vais vous demander si vous avez des recommandations à faire concernant le sujet de ce soir. Sur le sujet de ce soir, ouais. Pas directement, mais après, moi j'ai un truc à dire que bientôt il y a l'ITRO. Oui, alors ça c'est pour l'auto-promo d'après. On fait les recommandations, d'accord. Ensuite on parle de ça. Ne t'inquiète pas. Moi, je voudrais dire à tous ceux qui font des jeux vidéo et qui font des playtests, incorporez les joueurs handicapés, s'il vous plaît. Voilà, tout simplement, parce que tu fais playtester des gens, des joueurs, jamais des personnes handicapées. Jamais. Bon, après, je sais à quel point c'est relou d'organiser des playtests, mais faites-le, vous allez vous rendre compte de choses tellement bêtes, vous allez faire « Ah, mais pourquoi j'y ai pas pensé ?» Mais parce que t'es pas confronté au problème. Et c'est normal. Voilà. C'est toujours l'anecdote qui revient souvent lorsque Cap Game est invité, c'est que lors de la Paris Games Week, ça fait un stand, et ils sont allés faire un tour un petit peu des... cross-directeur, producteur, tout ça. Et sur SOCOM, il me semble, ils ont fait jouer une personne handicapée. Il y avait le designer ou quelqu'un, un lead à côté, qui regardait avec les gros yeux, qui fait « Mais pourquoi on n'y a pas pensé ?» Ben oui, c'est... c'est normal. Et moi, je voudrais aussi finir sur une question un peu plus ouverte que je voulais poser à la table ronde. C'est est-ce que pour vous, il y a une place pour l'accessibility designer ? Parce qu'on parle de game designer, d'economic designer, narrative designer. Est-ce que accessibility designer ferait partie de ces lots ou pas ? Et après, je pourrais ouvrir sur tellement de choses aussi, parce que l'on a parlé d'accessibilité, mais on pourrait parler de l'image du handicap dans le jeu vidéo, de plein d'autres choses. Donc, je crois qu'on pourrait faire une saison entière, je crois. Voilà. Pour répondre à ta question, du coup, je pense que tout game designer qui se doit, doit au moins penser à la question à un moment. Donc il ne faudrait pas quelqu'un de spécialisé, mais ça devrait être pour tout le monde, quoi. Oui, non, mais je pense également que on n'a pas à créer un métier d'accessibility designer, c'est le boulot du game designer à la base, selon moi. Mais effectivement, par contre, il faudrait que les game designers en prennent conscience et qu'ils élargissent leur empathie. Guillain, Non, simplement que par rapport à ça, tu peux faire une spécialité pour tout, mais c'est pas forcément nécessaire, quoi. Pour un très gros jeu, peut-être que ce serait une bonne idée de s'y pencher. Pour les jeux indés, bien sûr, en général, tout le monde doit tout faire, donc... Ouais. Mais après, c'est sûr qu'il y a des... Tu ne peux pas savoir quelles sont les problématiques d'un joueur en situation de handicap si tu ne connais pas son handicap. Donc forcément, se rapprocher de personnes qui ont la problématique que tu dois corriger, ouais, ça doit aider. Donc, voilà. Mais ouais, typiquement, sur les grosses prods, ça peut être le rôle qui est déjà pris... où c'est déjà très proche de juste s'occuper de l'expérience utilisateur et des playtests, c'est le UX designer ou le user researcher chez Ubi. Et bah, cette personne-là pourrait avoir cette partie-là et prendre en tout cas en compte l'accessibilité dans ce qu'il a à accomplir avant de valider le projet, quoi. Et aussi, ça me fait rappeler quelque chose que j'ai dit lors de l'émission qu'on a enregistrée, Damien, avec Amalgame. Je pense que c'est aussi le travail des écoles qui forment au métier du jeu vidéo d'introduire un petit peu la question du handicap, et notamment sur les exercices de game design où vous devez créer un jeu à partir de contraintes. Bah, parmi les contraintes, votre jeu doit être bichrome et votre jeu doit être joué sur Xbox 360. Mettez des contraintes concernant le handicap, ça peut être utile aussi, ça fait de bons exercices. Contraintes de jam ? Ouais, mais par exemple. Je savais dire. Il y a un peu la Serious Game Jam pour ça. Alors, c'est moi je l'ai co-organisé, cette Game Jam, mais non. Oui, mais non. Mais par contre, ça pourrait être intéressant pour une autre game jam qui a eu lieu récemment aussi, l'UBIHA. Oui, j'étais, ouais, ouais, ouais. Ouais, piocher une contrainte, faut que ça soit accessible. C'est un jamien comme contrainte. Ah ouais, carrément. Non, oui. Ouais, la Serious Game Jam, c'était une game jam du coup où le contrôleur était un casque neuronal. Du coup, en fait, tu mettais ce casque que personne n'a chez lui, bien sûr, sur la tête, et c'était ça qui te permettait de jouer au jeu. Et tu pouvais jouer à n'importe quel jeu avec ça. C'était pas une contrainte d'accessibilité dans le game design, mais dans le. Y a certaines personnes qui ont fait ça, et du coup, avec le casque, tu pouvais tout contrôler. Ouais. Et certains n'ont pas fait ça. Enfin bref, on en reparlera une autre fois en off. Voilà. Les recommandations, on était là. Non ? D'accord, moi je vais vous recommander ta conférence que tu as donnée au MUG, Damien, Montpellier Unity User Group, que vous pouvez retrouver sur YouTube. De toute façon, il y aura le lien dans la description. Je vais recommander aussi les sites Game Lover. Donc Game Lover, on en a parlé pendant l'émission, c'est un site du coup qui teste les jeux à travers le prisme de différents handicaps. Si vous faites du game design, ça peut être très intéressant de se pencher sur leurs tests, même si vous n'êtes pas en situation de handicap, justement pour voir où les jeux pêchent par moment en accessibilité, et qu'évidemment vous ne vous rendrez pas compte parce que vous n'êtes pas concerné par ces problèmes d'accessibilité. Handy Gamer, qui est une association qui fabrique des périphériques de contrôle spécifiques selon votre type de handicap. Ils sont que deux. Et du coup, ils produisent peu, mais puisque à chaque fois c'est du cas par cas, mais du coup, intéressez-vous-y. Cap Game. Ça mélange un petit peu tout. Ça mélange les tests, ça mélange les périphériques spécifiques, ça mélange la recherche dans l'accessibilité dans les jeux vidéo, je vais y arriver. Voilà, on a des représentants de ces trois associations qui ont participé avec Damien et moi à l'émission qu'on a faite à Malgame Cross Demon Retry, dont vous retrouverez le lien prochainement dans la description, quand elle aura été montée par Nicolas et pas par moi. D'ailleurs, tu parles de Cap Game, récemment un stream caritatif a été organisé pour Cap Game, où si on dépassait la barre des 10 000 viewers, il y avait 10 000 euros pour Cap Game. Voilà, c'est dommage de ne pas avoir eu l'info avant, mais bon. Ouais. D'ailleurs, le beau monde de Cap Game, donc je précise les noms, c'est Jérôme Dupire pour Cap Game. Il me semble qu'il y avait également David Combario du coup de Handy Gamer et Stéphane Laurent de Game Lover qui ont participé tous les trois. Peut-être je me trompe, Damien, non, tu acquiesces. À la conférence d'Xbox France sur la question de l'accessibilité dans le jeu, c'était dans le cadre de leur action Tous Gamer. Oui. Et du coup aussi, il y a les articles, même si c'est du premium, il y a les articles Game Cult. Le premium reste pas cher, ou oui. il est accessible, et je pense que dans tous les cas, ce genre d'abonnement là, si on est designer, ça vaut l'investissement. Ouais, les articles GameCube, je les ai lus. Bon, j'ai triché pour les lire parce que t'as une version d'essai tu prends la version d'essai, voilà. Mais sinon, oui, il y a l'article de JVCom aussi. Ils en ont fait un article sur l'accessibilité aussi. Ouais. Mais pour le coup, moi, je n'ai pas pu consulter les articles de Gamekult et je trouve ça dommage que pour des articles concernant ce genre de sujet-là, ce soit ça reste dans le premium. Hein. Ouais. Non, mais c'est, pour le coup, c'est dommage, je trouve. Hein. Très bien, bon bah il est temps et de... Et pour finir sur les recommandations, la vidéo de Mac Brown sur le mode accessibilité de Céleste. J'imagine que tout le monde y joue à Céleste aussi. Oui, bon, faut avoir 20 euros à claquer, mais oui. Bah vous retrouverez toutes ces recommandations dans la description du podcast. Et avant d'oublier, l'autopromo. voilà, est-ce que quelqu'un a des informations à partager? On avait l'ITRU, on avait l'ESL, quoi d'autre? Allez-y. Bah, alors du coup, en ce moment, va bientôt y avoir le 3, et à Montpellier, on fait un truc qui va s'appeler l'ITRU. Donc c'est localement, il y a tous les développeurs qui se sont rassemblés, enfin une bonne partie, Thomas me regarde, fait des petits gestes, une bonne partie qui se sont rassemblés avec l'association du PushStart pour créer un trailer et plusieurs interviews qui vont permettre de présenter un peu le travail de tous les développeurs qui ont participé. C'est ça, c'est une vidéo promo avec un ton plus ou moins décalé où ça va enchaîner en fait des interviews des développeurs qui ont bien voulu participer et des trailers de tous ceux qui en ont envoyé, donc ça servira aussi à présenter globalement les développeurs en dehors de l'E3 en fait. Ça servira de vidéo promo pour les jeux de Montpellier et des alentours. Exactement, Occitanie. Ouais. J'ai une question, pourquoi E-Trou? Pourquoi ça s'appelle comme ça? Je me pose la question depuis un moment. À la base, c'était le nom de code du projet, quoi, parce que c'est un hack de l'E3. Et du coup, c'est l'E-Trou, c'est le vrai E3, c'est l'E3 du réel, tu vois. Mais du coup, on a gardé ce nom de code parce que finalement, on s'y est habitué. Très bien, merci pour l'explication. Comme tout bon titre temporaire, on va le garder. C'est ça. Comme Octopath Traveler. Oui, oui. D'accord, et du coup, Marie, Guillain et Thomas, vous avez tous les trois participé à l'ITRU. C'est ça, on fait le petit instant promo chacun. Donc moi, ça va être avec le vieux trailer de Arashi que vous pourrez retrouver sur Facebook en tapant Arashi le jeu, sur Twitter également, et vous pouvez nous suivre par ces différents réseaux. Moi, j'ai fait la promo de Montpellier Discovery, dont on parle régulièrement dans l'émission, et nous serons présents, l'équipe et moi-même, à l'Occitanie ESL qui se déroulera le 2 et 3 juin à l'Arena de Montpellier. Ce qui, si vous écoutez l'émission en podcast, est déjà passé. Merci. Oui, Thomas. Et ouais, du coup, j'ai participé en parlant de Astre que vous pouvez retrouver sur itch.io, Facebook, Twitter. Donc sur itch.io, vous tapez Astre. Sur Facebook, c'est plutôt Astre Dev. Et sur Twitter, il faut aller chercher Ilios Interactive, le nom du studio. Et ça me fait penser juste que du coup, vous pouvez télécharger aussi la démo d'Arashi sur itch.io en tapant Arashi le jeu. Ouais, de toute façon, vous retrouverez également ces liens-là dans la description du podcast. Quelqu'un a-t-il encore quelque chose à... encore Quelqu'un a-t-il quelque chose d'autre à partager? Non. Non. Écoutez, on va s'arrêter là, c'est très bien. Vous pouvez également suivre les pages Facebook et Twitter de Dev & Retry pour ne rien louper ou nous contacter. Je remercie Arnaud qui est à la technique et je remercie également Thomas et Damien d'avoir été parmi nous ce soir, ainsi que mes chroniqueurs bien sûr. Je vous souhaite à tous de passer une bonne soirée, je vous dis bye bye. Au revoir. Merci. Au revoir. Salut. Salut.